Le chasseur chassé. Le lapin a faim. Il va dans le jardin. Je veux manger, dit le lapin. Je vais chercher une belle grosse carotte. Le renard a faim. Il va dans le jardin. Je veux manger, dit le renard. Le renard voit le lapin dans le jardin. Un lapin, dit le renard. J'aime les lapins. J'aime les beaux gros lapins. Un hibou est dans l'arbre. Le hibou voit le renard sur le mur. Le renard regarde le lapin. Le hibou vole vers le renard. Le renard voit les grandes ailes. Il voit les grands yeux. Il voit le gros, gros bec. Je pars, dit le renard. Le renard s'enfuit. Le lapin reste. Le lapin a trouvé une belle grosse carotte.